Chapitre 21. Servaz raccrocha son téléphone. Espérant Dieu venait d'entrer dans son bureau. « Trouve-nous un vol pour demain, » dit-il. « On va où ?»« Paris. Je viens d'avoir la crime. J'ai fait l'école de police avec un de leurs gars. On se parle une fois l'an pour les vœux. Il va nous donner un coup de main, on va conjuguer nos efforts. » Espérant Dieu fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'on va glander à Paris ?»« Le cabaret rouge, » répondit Servaz. L'endroit où, selon sa sœur, Stan Duvels retrouvait des gens comme lui. Disons que c'est une sorte d'enquête de voisinage étendu. Il lut l'incompréhension dans les yeux de son adjoint. « Qu'est-ce que tu espères trouver là-bas, à part des touristes, des vieux monsieur esselés et le genre de faune qui tourne autour ?» Servaz posa ses pompes sur le bord de son bureau et Espérant Dieu se dit que ça faisait très inspecteur Harry. À ceci près que Martin ressemblait à tout sauf à l'inspecteur Harry. « J'y ai bien réfléchi, » dit son chef de groupe et ami en faisant tourner un crayon d'un doigt à l'autre. Et Vincent se fit la réflexion qu'il était probablement le dernier dans le bâtiment à utiliser des crayons à papier, et surtout un taille-crayon. Selon Fatia Djellali, Duvels a été torturé. On lui a retiré son bâillon à plusieurs reprises pour le faire parler. Ça ne colle pas avec le crime d'un autre pensionnaire saisi de folie. Pas plus que les abeilles. Il n'y en a pas dans l'enceinte de l'hôpital psychiatrique. Elles ont été apportées de l'extérieur. Par qui ? La bonne question, c'est qui l'a torturé ? Et dans quel but ? Je me suis renseigné, Duvels était rentré à Toulouse de fraîche date après avoir vécu un temps à Paris. C'est peut-être là-bas qu'il faut chercher l'origine de ses ennuis. Pourtant, Jonas Résimon s'est bien évadé. Servaz secoua la tête, perplexe. Ouais, et pas moyen de comprendre comment il a fait. J'ai revisionné la vidéo et il n'y a rien à voir à part Rolin et les deux infirmières. On en est où de leurs auditions ? Samira est dessus, répondit Vincent. Très bien. Je crois de moins en moins Résimon capable du meurtre de Stan Duvels. Tu veux dire que le vrai coupable aurait aidé Jonas Résimon à s'évader pour brouiller les pistes ? Mais ça ne répond pas à la question. Comment il a fait ? Comme son chef s'abstenait de répondre, Espérant Dieu prit une inspiration. « Ok, » fit-il. « Admettons que le cabaret rouge soit le début du commencement de quelque chose, qu'on ait la moindre chance d'y trouver quelqu'un qui nous mette sur la voie. On a besoin d'y aller tous les deux ?» Servaz susauta le bout de son crayon, puis sourit. « C'est toi le geek, le mec branché, pas moi. Tu verras peut-être des choses que je ne verrai pas. Tu seras sans doute plus à l'aise au milieu de ces gens que moi. » « Dans ce cas, pourquoi j'y vais pas tout seul ?» Servaz lui lança un regard appuyé. Espérant Dieu hocha la tête pour faire signe qu'il avait compris. « Parce que le commandant n'aime pas déléguer, » dit-il, répondant lui-même à la question. « Surtout quand il pense qu'on a une chance de dénicher quelque chose, et parce qu'on fonctionne en binôme. « Très bien, je réserve deux places sur un vol Blagnac-Orly. Allez simple ?»« Merci. Pas de quoi. » Tu devrais regarder le clip « Let it happen » de Tame Impala avant de partir. Qu'est-ce que c'est ? Vincent n'ignorait pas que Martin avait une peur bleue de l'avion. « Regarde, » dit-il. « Tu verras. »